Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Halles de Paris. Mais les Halles n'ont pas été bâties pour une dizaine de millions d'habitants, ils ont été bâties pour 200-300 000. Mais justement, alors vous justifiez la décision qui a été prise? Peut-être. Pas sûr? Je suis pas sûr. Et vous, quel est votre avis? Dans un sens, c'est valable, dans un autre, ça ne l'est pas, quoi. Parce que pour moi, Paris sans les Halles, c'est pas Paris. La destruction et le déménagement des Halles de Paris en 1969 va créer une vive polémique au sein de la population parisienne, mais aussi, vous venez de l'entendre, au sein des travailleurs et des marchands des Halles. D'un côté, on va retrouver ceux pour qui les Halles posent un sérieux problème sanitaire, en plus de ne plus suffire à la tâche. Et de l'autre côté, il y aura tous ceux pour qui Paris ne sera plus complètement Paris sans ses Halles, ceux pour qui la destruction et le déménagement des Halles va conduire à la mort du quartier ou à tout le moins à la perte de son âme. C'est dire l'importance qu'auront eu les Halles dans l'histoire de la ville et dans la vie de ses habitants. À minuit, la vie commence. Les premiers des quelques milliers de camions qui forment l'armada des Halles centrales arrivent avec leur chargement. C'est le début d'un gigantesque encombrement qui ne s'ordonnera qu'avec le jour. Les tas de légumes jonchent le carreau en attendant les enchères. Une animation égale règne dans les pavillons, dont le plus actif et sans doute le plus spectaculaire est celui de la boucherie, puisqu'il y passe l'avant-veille de Noël quelques 1800 tonnes de viande. Puis, à 4 heures, de nouveaux visages apparaissent, et ce sont aussi des visages des Halles, ceux de ces soirées de fête qui cherchent dans cette activité nocturne un prétexte à leur insomnie. Et ce sont les scènes toujours renouvelées des marchandages et le spectacle tantôt mouvementé, tantôt paisible de tout un monde de travail qui se détend dans la chaleur bienveillante du bistrot. Vers 9 heures, c'est au tour des ménagères, tandis que pour compléter leurs maigres ressources, d'humbles vieillards récupèrent de quoi faire une soupe. Et désormais, l'activité va se ralentir peu à peu, le mouvement décroître, pour laisser la place au service du nettoiement, afin que tout soit net à l'heure de midi. Pendant 12 heures, de minuit à midi, les Halles, maintenant désertes, auront brassé jusqu'à 30 000 tonnes de marchandises, dont Paris se nourrira tout un jour. 12 heures aux Halles, un reportage des actualités françaises réalisé en janvier 1952 pour nous raconter la fascinante histoire des Halles de Paris. Je reçois l'historien Éric Dussault, un habitué de l'émission. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance elles ont eu, ces fameuses Halles, dans l'histoire de Paris, Éric? Bien, je pense que l'extrait le démontrait. C'était tout un microcosme, c'était tout un milieu pendant 8 siècles. Pendant 8 siècles, imaginez donc, les gens se sont retrouvés au cœur de Paris oui. pour s'approvisionner. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, la nourriture devait y être amenée. Et ensuite de ça, renvoyée un peu partout dans Paris et dans son agglomération pour que chacun et chacune puisse se nourrir. Certains avec la bonne qualité, d'autres moins oui. bonnes, mais tout passait par là. Tout passait par là. Pendant 8 siècles au même endroit. Exactement. Oui. Alors, c'est assez extraordinaire. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit en début d'émission, que ce sera un drame lorsque oui. le cœur de Paris, le ventre de Paris, comme dira Zola, sera par la suite amené à 7 kilomètres oui. à l'extérieur du centre. On y reviendra à ce oui. drame-là, évidemment, parce que ça va créer une vive polémique, effectivement, la décision de détruire et de déménager les Halles. Ça commence quand? 8 siècles, ça nous ramène où? Ça commence quand, l'histoire des Halles? La date habituelle qu'on donne, c'est 1137, lorsque le roi Louis VI a acheté un terrain qui s'appelle dit des Champeaux. Les Champeaux, dans le fond, ce sont des petits champs. Et c'est sur la rive nord de la Seine que se situe donc ce terrain-là. Et c'est là que vont naître les Halles, les premières Halles de Paris. C'est proche de la voie fluviale. Évidemment, la Seine est tout près. Donc ça, c'est utile à l'époque oui. où la voiture automobile n'existe pas. bateaux à moteur et tout ça. Donc, ça devient un grand centre d'échange prospère. Il y a vraiment des transformations majeures qui vont se faire au fil du temps. Ça nous amène aux années 1543 et 1572, deux dates importantes où on a aménagé de nouvelles halles. À ce moment-là, donc, il y aura des portiques et aussi des galeries couvertes qu'on va appeler les piliers des halles, hein, parce qu'elles sont importantes, ces structures-là. Et au même moment, on va construire ce qui est un peu la petite tour Eiffel du quartier, c'est-à-dire l'église Saint-Eustache, ouais, qui a été construite au 16e et 17e siècle. Qui existe toujours. Qui existe toujours aujourd'hui, tout comme la Bourse, la ouais, place de la Bourse qui est juste à côté, qui se trouvait auparavant à être une halle au blé qui a été aménagée aussi entre 1763 et 1766. C'est exactement où on trouve aujourd'hui la Bourse du commerce. Ouais. Et c'est devenu le carreau des halles, hein, parce qu'il s'agit de voir là, sur une carte, là, c'est vraiment un carré, c'est le carré des halles. Le cimetière des Innocents va être vidé au profit d'un marché aux fleurs, fruits et ouais, légumes. Alors, c'est dire comment tout ce lieu-là devient petit à petit un lieu d'échange, un lieu d'approvisionnement, un lieu de circulation aussi, ouais, évidemment. Donc, tout ça, ces différentes transformations, encore une fois, toujours sur ce même site, le site original des Halles de Paris. Oui. Mais quand on pense aux Halles, à l'âge d'or des Halles, c'est aux Halles de Baltar qu'on pense, Éric Dussault, celles qui ont été démolies au 20e siècle. D'abord, qui il est, Victor Baltar, et dans quel contexte on va lui demander de construire ces halles du 19e siècle? Victor Baltar, c'est quelqu'un qui est un architecte, c'est quelqu'un qui a fait l'École des beaux-arts. Alors, on l'associe à la tradition, c'est quelqu'un qui n'est pas renommé pour avoir forcément une vision moderniste des choses, mais on le verra plus tard. Ce sont les circonstances qui vont l'amener à travailler sur ce projet-là. Je peux peut-être déjà évoquer le fait que les halles, au fil du temps, sont devenues de plus en plus encombrées, de ouais, plus en plus polluées. Il y a des rats, il y a de l'insalubrité, des détritus partout. Et on veut donc, au milieu du 19e siècle, autour de 1850, 1830, c'est la réflexion, 1850, là, on est plus avancé dans le processus. Et c'est Napoléon III qui va, quand carrément demander à ce que Victor Baltar puisse aménager une structure digne de ce nom. Et ça va se faire dans le cadre des transformations de Paris du baron Haussmann. Oui. Hein, on sait que le Paris fameux Haussmann, le fameux Haussmann, à qui on accorde beaucoup d'importance. Et entre autres, on pense peut-être que les Halles seraient en partie sa oui, responsabilité. C'est pas faux. Mais c'est d'abord Baltar qui, dès l'année 1843 et pendant de longues années, pendant des décennies, va inventer des projets, va réfléchir, va se laisser influencer par le monde dans lequel il vit, c'est-à-dire la modernité, capitale de France, mais aussi de plus en plus une ville industrielle. Et donc, on est dans l'âge industriel ouais, et ça prend un marché digne de cette époque-là. Puis il y aura beaucoup, vous le dites, c'est le travail de plusieurs années, il y aura beaucoup de projets qui vont passer sur sa table à dessin. Il y aura des échanges aussi avec Haussmann, avec le roi. Puis finalement, il y aura cette construction que les plus vieux Parisiens ont connue, ont encore en tête. C'est grands pavillons, 10 pavillons, structure oui, métallique, une architecture très industrielle. C'est en verre et c'est en fer. Aujourd'hui, ça nous apparaît banal. Il y a plein de marchés comme ça partout dans le monde, mais au milieu du 19e siècle, c'est excessivement novateur. On parle aussi de l'importance de ces halles-là. Hein. C'est 3 à 4 hectares, là, selon les sources, ça varie, c'est assez imposant. Et ce sont 10 halles originales avec une rue au centre oui, et des voies de traverse pour circuler. Il y en aura 12 finalement au bout du compte. Et tout ça tient de façon extraordinaire. C'est comme de la dentelle, on dit un chef-d'œuvre de légèreté, de transparence et du fait que ce n'est pas fermé, il n'y a pas d'infrastructure sur les côtés, l'air circule oui, et on a un approvisionnement en eau, on a un approvisionnement en lumière aussi. Alors ça, c'est totalement nouveau à l'époque. Le problème, c'est que ça arrive parfois comme ça, on construit puis c'est déjà malheureusement plein. Oui. C'est-à-dire que la ville de Paris est rendue à 2 millions d'habitants à la fin du 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a beaucoup de monde qui va à vous provisionner là, qui circule dans la zone et il y a déjà de l'encombrement. Ce que rencontre d'ailleurs le livre de Zola dont on aura l'occasion de reparler. Ça, c'est très juste. Alors, c'est une infrastructure vraiment magnifique, d'où le drame de sa disparition, évidemment. Ouais. On le disait un peu plus tôt, Éric Dussault, évidemment, c'est les halles, c'est ce qui alimente Paris. C'est vraiment, il y a une fonction utilitaire, c'est névralgique, c'est la source principale d'approvisionnement du tout Paris. Mais au-delà de cette fonction utilitaire, les halles, c'est aussi beaucoup plus qu'un marché où on s'approvisionne. C'est toute une vie, la vie des Halles. Je vous propose d'écouter à ce propos la journaliste Virginie de la Haute Maison rappeler à quoi pouvait justement ressembler ce bourdonnement des Halles dans un reportage qui a été présenté à France 3 en 2018. C'est une véritable fourmilière nocturne. Vers 22h, l'effervescence gagne les 10 pavillons des Halles, chacun avec sa spécialité de produits frais. les œufs, la viande, le poisson. Les fruits et légumes sont vendus sur le carreau. Des tonnes de marchandises et leur cortège de métiers aujourd'hui disparus, les célèbres Fordéal, la corporation des manutentionnaires costauds. À bosser dans les halles, on est passé les nuits à choquer le cristal. Il y a aussi les tasseurs chargés de monter les tas de légumes sur le carreau. Doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. André, tu mets 120 kilos au lieu de 100 kilos. Les approvisionneuses. Allez, grouille-toi un peu, toi. Les poissardes au pavillon de la marée. Ou les gardeuses qui surveillent les caisses vendues. Et surtout aux halles, aux marchandes. Je t'ai dit, pour te faire plaisir. Je bouge 150 balles au kilo avec ça. Tu sais bien pour quel coup de départ. Oh oui, c'est de la moyenne. Les halles, c'est toute une vie, une gouaille qui s'exprime dans les nombreux bars du quartier. Mais c'est pas vrai, mon pote, tu comptes 298 kilos, il y a 313. Hein. Bon, donc tu vas compter les deux sacs que je t'ai remboursés déjà. Non mais tu déconnes là. Mais aux halles, on travaille très dur, souvent dans le froid. Beaucoup sont des journaliers sans protection sociale ni cotisation retraite. Le matin, les indigents sont autorisés à récupérer des marchandises avant le passage des éboueurs. Tout autour des halles, lorsque descend la nuit, le maraîcher déballe des légumes, des fleurs et des fruits. Dans le matin pâle, vers le ciel monte gris, c'est le réveil de notre Paris. Alors comment la décrire, cette vie des halles, cette micro-société des halles, Éric Dussault? C'était extraordinaire, visiblement. Il faut savoir déjà que quand on parle des halles, ce sont les pavillons dont on a parlé tout à l'heure. Alors déjà, il y a la halle à la volaille, la halle aux fleurs, la halle aux herbes, aux fruits, au beurre. Donc chaque pavillon a sa spécialité et ses marchands qui sont spécialisés dans la vente de ça, en particulier de ce produit. Donc déjà, il y a une dichotomie entre les professions. Il y a une séparation et c'est très réglementé, évidemment. Ensuite de ça, il y a tous ces gens dont on a entendu parler, entre autres les forts des halles, des costauds. Là, on a souvent l'image du petit Gaulois comme Astérix, là, mais attention, des hommes vraiment costauds qui travaillent là. Il y a les marchandes aux petits pas que j'aime beaucoup, qui sont celles qui vendent des légumes et des fruits un peu fanés. Il y a les marchandes d'arlequins. L'arlequin, c'est l'assiette qu'on constitue avec les restes des grandes tables de Paris. Alors, on récolte les restes et on vend ça à rabais aux halles de Paris. Il y a les parlures, on l'a entendu, l'accent, le vocabulaire, les histoires que les uns et les autres se racontent, la consommation d'alcool qui est incontournable. Le café. Et les fêtards. Et les fêtards, oui. Là, c'est intéressant parce qu'il y a évidemment la prostitution qui se développe, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Puis on n'est pas loin de la rue Saint-Denis, rue traditionnellement associée à la prostitution. Et elles vivent la nuit, Léa. Les gens viennent s'y alimenter, viennent chercher leurs produits à partir du matin. Mais tout ce monde s'organise la nuit et il y a un mélange de marchands, de commerçants et de fêtards, de joyeux lurons. Tout à fait. Qui vont manger la soupe à l'oignon. On ne peut pas être parisien et aller au hall sans manger sa soupe à l'oignon. On l'a dit, les prostituées, mais il y a aussi l'homosexualité qui est présente sur place. Il y a des travestis, il y a des homosexuels qui se tiennent là et qui font la fête. Alors, c'est vraiment vu comme un lieu de dépravation. Puis aussi, les bas-fonds de la ville, parce que les clochards vont se retrouver là, les pauvres vont ramasser ce qui tombe sur le sol et vont évidemment se faire payer des coups par d'autres personnes et voir le rouge qui tâche, là, comme on dit. Avec ce décor, cette vie qui grouille aux halles, évidemment que ça va inspirer plein de monde, des réalisateurs au cinéma, de grands auteurs. Émile Zola, vous en parliez, mais il y aura ce fameux roman, Le ventre de Paris, c'est directement la vie des halles qu'il représente dans son roman. C'est difficile d'imaginer, en tout cas au niveau littéraire, quelque chose qui soit à ce point puissant au niveau de l'illustration. Il faut lire Le ventre de Paris, écrit par Zola. Donc, l'action se déroule entre 1858 et 1870, donc c'est immédiatement après la construction des halles. Et on parle de ville qui étouffe, de Paris qui devient moderne parce que c'est l'âge du fer qui, dit-on, va détruire l'âge de la pierre. Ça bourdonne de vie, il y a un écœurement, des puanteurs terribles. La nourriture est gigantesque, l'odeur est suffocante, les odeurs sont suffocantes. On parle même de la mauvaise haleine des halles dans le livre de Zola. C'est vous dire comment il y a une ambiance particulière qui est extraordinairement bien décrite par le célèbre écrivain français. Et c'est surtout une critique de la bourgeoisie et du Second Empire, parce qu'à qu'à travers la nourriture, il y a le gras et il y a le bourgeois qui s'enrichit sur le dos des autres et qui mange la nourriture sur le dos des autres. Ça, c'est important. Mais surtout, je vous recommande le film « Voici le temps des assassins » de Julien Duvivier, 1956. C'est un film extraordinaire qui a été en partie tourné dans les vraies halles de Baltard avant qu'elles soient détruites et aussi en studio. Et ça, ça vient magnifiquement bien compléter le livre de Zola. Oui. Puis il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Il y aura plein de films qui sont tournés. Irma la douce, entre autres, de Billy Wilder. Oui. En 69, coup de tonnerre dans le ciel parisien. Les halles sont détruites. On les déménage en banlieue de Paris. C'est une décision, évidemment, pour l'évoquer au tout début de l'émission, qui divise la population parisienne et les habitués des halles, travailleurs, commerçants, clients. Je n'irai plus jamais dans le quartier des halles. Mes diables sont partis pour Dieu sait quel enfer. Les touristes ont marché sur les derniers pétales de nos derniers bouquets. On ne peut rien y faire. Je ne pensais pas que peut-être votre travail à vous sera facilité à Rungis, non? Peut-être. Peut-être il y a trop d'encombrement ici, mon frère. Que vous êtes égal. Mais les halles n'ont pas été bâties pour une dizaine de millions d'habitants, ils ont été bâties pour 200-300 000. Mais justement, alors vous justifiez la décision qui a été prise? Peut-être. Peut-être. Peut-être. Pas sûr? Je suis pas sûr. Et vous, quel est votre avis? Dans un sens, c'est valable, dans un autre, ça ne l'est pas, quoi. Parce que pour moi, Paris sans les halles, c'est pas Paris. Hein. Ah, je pense alors, que c'est un folklore qu'on ne retrouvera jamais. Pour vous, les halles, c'était le folklore? Ah oui. Finir la nuit ici, c'est fantastique. Vous veniez souvent? Oui, très souvent, oui. Je dis vous veniez, vous viendrez encore? Pas tellement, non, moins souvent. Je viendrai encore, mais beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que ce déménagement va changer quelque chose pour les joyeux noctambules? Oh, je pense, oui, beaucoup, même énormément, oui. Ça sera pas du tout la même ambiance, pas du tout la même chose. C'est décevant quand même de voir les halles partir en banlieue, je trouve, parce que ça fait du tort à tout le monde, je pense. Mais est-ce que vous reviendrez passer les fins de nuit aux halles? Ce sera pas pareil, non. Je pense pas, non. Sur la chanson « Le quartier des Halles » des frères Jacques, vous entendiez les commentaires de quelques commerçants, des habitués des Halles aussi, au micro de Martine de Barcy à l'émission Aujourd'hui, en mars 1969. La destruction, le déménagement des Halles à la fin des années 60, au début des années 70, Éric Dussault, ça va créer donc une grande controverse. Pourquoi on décide de déménager les Halles à ce moment-là? La décision date du 6 janvier 1959 et c'est 10 ans plus tard donc qu'on procède dans la nuit du 4 au 5 mars à leur démantèlement et à leur déménagement à Rungis. Pourquoi? Les halles sont jugées désormais insalubres, sont jugées encombrées et surtout la cause de bouchons de circulation immenses en plein cœur de Paris. Ouais. Et ça, à la fin du 20e siècle, c'est pas vraiment acceptable. Ouais. Alors, on décide de les déplacer à 7 km vers l'aéroport d'Orly. Donc, c'est Rungis. Ça, c'est pour la nourriture. Et sinon, pour ce qui est de la viande, ça s'en va au Hall de la Villette. Ouais. Et là, imaginez, pendant 8 siècles, on s'est approvisionné au cœur de Paris. Tout d'un coup, on nous dit, ce sera plus là. Ouais. Et pour avoir quand même vécu longtemps dans cette capitale française, les mœurs ne changent pas rapidement. Et donc, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment perçu comme un drame. Même si, parfois, la raison s'impose. Vous l'avez entendu dans les extraits. Certains disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais pour vous donner une idée jusqu'à quel point ça a été un drame, John Lennon, Andy Warhol, Alexandre Calder ont envoyé des télégrammes à Paris pour convaincre les autorités de conserver les halles de Baltard, qui sont un chef-d'œuvre de l'histoire de l'architecture. Parce qu'il y a le lieu, il y a la tradition, il y a là où ça se passait depuis 8 siècles, mais il y a évidemment cette architecture qu'on perd, qu'on a perdu à tout jamais. Et ça laisse un trou. Innovation en France, ce projet a des précédents célèbres à Tokyo et à Montréal. Et je dois dire d'ailleurs que j'ai visité avec beaucoup de soin et d'intérêt tout ce qui s'est fait à Montréal, notamment les galeries Ville-Marie, Bonaventure, etc. Parce que, à l'époque de la conception, ça nous a beaucoup fait réfléchir. Est-ce que ça vous a inspiré pour certains aspects oui, des galeries ici? Beaucoup inspiré, parce que ça nous a convaincu que le commerce était possible. La seule chose, c'est que nous avons pensé que le climat étant moins rigoureux, il fallait probablement qu'on ouvre plus vers l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on a fait cet immense cratère, plus que vous ne l'avez fait vous-même à Montréal, où vous avez un climat évidemment beaucoup plus dur. Est-ce que vous préférez ceci aux halles qui existaient, que vous avez peut-être connues? Les halles, c'est du passé. Finalement, les Parisiens se sont mis à aimer les halles quand on les a détruites. Avant, ils n'y venaient pas. Après toutes les querelles autour du fameux trou des halles, la confiance semble revenue avec l'achèvement de cette étape importante. Le maire de Paris, M. Jacques Chirac, jure que quand tout sera terminé en 1983, l'opération des Halles sera un modèle de rénovation urbaine. Ici Madeleine Poulain, à Paris. Vous entendiez un reportage de Madeleine Poulain au moment de l'inauguration du Forum des Halles en septembre 1979. On l'entendait, c'est intéressant d'ailleurs, Montréal, qui aurait inspiré avec sa ville souterraine les concepteurs de ce Forum des Halles. Ce trou, Éric Dussault, dont vous parliez, juste avant qu'on entende cet extrait, il va être béant, un grand trou au cœur de Paris pendant des années. Et ce sera le Forum des Halles, donc, qui va trouver sa place là où étaient les Halles de Baltar, ce grand trou pendant quelques années. Comment on en arrive à la construction du Forum des Halles? Bien, en fait, peut-être revenir sur le trou. Si les gens veulent le voir, je recommande « Touche pas à la femme blanche », un film de 1974 dans lequel on retrouve Catherine Deneuve et aussi Marcello Mastroianni, où on voit carrément le trou béant en pleine ville et la construction qui est en train de se faire et qui est complétée en 1979. Donc, c'est Georges Pencresch et aussi Claude Vasconi qui vont créer un centre commercial qui... pour beaucoup, est associé à une certaine forme de laideur. Pour d'autres, c'est la modernité. Il va y avoir une gare de RER qui est aménagée au même endroit aussi, Châtelet-Les-Halles, qui devient une gare importante. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu de transit important pour les Parisiens qui utilisent le transport en commun. Un grand centre commercial. Tout à fait, un centre commercial, une gare importante, la plus importante à l'échelle de la région. Il y a des restaurants, il y a un cinéma, une piscine, il y a des institutions culturelles où j'ai fait entre autres des recherches, moi, comme historien. C'est quand même un lieu important. Et puis, dans les années 80, on va créer ce qu'on appelle la Place Carrée, qui a été édifiée par un architecte bien connu qui s'appelle Paul Chomutov. Et puis, ces immenses arches vont faire leur apparition, de même que le sol quadrillé, qui est aussi caractéristique de cette époque. Et puis, les parapluies de l'architecte Jean Villerval. Important, parce que je rappelle que les parapluies, c'était l'exigence de Napoléon III lorsqu'il a demandé à Baltar de concevoir ses infrastructures en verre et en fer. Donc, quand on fait des parapluies dans les années 80, il y a pour moi une petite référence à Baltar, quand même. Et puis les Parisiens vont revivre, vont rejouer dans le même film parce que ce Forum des Halles va faire son temps. Et puis il y aura un autre immense chantier près de nous en 2016 et 2018. Le grand projet de construction, ça va prendre du temps. Et il y aura des Halles nouvelles, celles qu'on voit actuellement, qui seront proposées avec sa grande canopée de verre aux Parisiens. Ils en sont où, les Parisiens? Puis on termine là-dessus, Éric Dussault, avec cette canopée, ces Halles nouvelles, puis avec la perte surtout peut-être de ces fameuses Halles mythiques de Baltar. Ben, on s'en est jamais totalement remis de ça. On considère que, d'accord, elles étaient peut-être plus satisfaisantes, elles ne répondaient plus correctement à ce que la fin du 20e siècle, début 21e siècle aurait pu s'attendre en termes d'infrastructures d'alimentation et d'approvisionnement. Cela dit, on aurait pu les conserver. Il n'y en a qu'une qui a survécu et on la retrouve dans le Val-de-Marne, en banlieue. Mais pour revenir à la canopée, c'est Patrick Berger et Jacques Anziuti qui l'ont créée. Ce sont 18 000 écailles de verre de couleur un peu jaune, brune. Blanc-jauni. Blanc-jauni. Et ça devient encore une fois un centre culturel, un conservatoire, une médiathèque qui se retrouve là avec de nombreux commerces, des équipements culturels qui viennent un peu donner un aspect culturel à un lieu qui est encore très mercantile. Et c'est surtout une débauche d'acier. Certains ont dit qu'il y en avait presque autant que dans la Tour Eiffel. Ça a coûté une fortune, 236 millions d'euros uniquement pour la structure en verre, et imaginez au total 1 milliard d'euros, et on n'est pas trop satisfait de ça, en fait. On n'est pas habitué. On aime ou on n'aime pas, mais il y a Jacques Lang, puis on peut terminer là-dessus, l'ancien ministre de la Culture, qui a eu une phrase assassine. Crime contre la beauté. Voilà. C'est son verdict. Elles sont là. Allez les voir. Éric Dussault, historien ami de l'émission, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.